moi, je fais rien de mal. Je veux juste réveiller le quartier. Regarde, ouvre tes yeux, il est mort, ce putain de quartier, là. Tu sais quoi? Comment j'ai eu les boules quand papa, il est mort? Après, quand je me suis fait virer de l'école, j'y suis retourné. Rappelle comment je leur ai niqué la race. Je leur ai tout brûlé, là-dedans. Mais pourquoi ça arrache? Attends, lâche-moi. Attends. C'est toi qui nous a laissé tomber. Alors arrête, putain, arrête de nous dire qu'en Algérie tu marchais les pieds nus dans la neige. On s'en fout, nous. On en a rien à foutre de tes conneries. Nous ici on marche en basket. En basket, on a le cœur gelé. Les jeunes du ghetto ont le cœur gelé. Paralysé. Anesthésie, nos sentiments taillés dans la roche de nos blocs de ciment. C'est vrai qu'on marche avec le cœur gelé. Ghettoisé. Anesthésie, les sentiments taillés dans la roche de nos blocs de ciment. On marche en basket sur les boulevards. Dissimulé sous ma capuche, la démarche pancale, titubant comme un soulard. Indésirable et incompris, je suis comme le port du foulard. Mon CV est vide comme celui d'un ex-tola. Ouais, c'est ça nos histoires. Encore des conflits en grandi au cœur des conflits, on fuit. La réalité c'est que les bleus veulent nous faire la peau. Mais va leur dire qu'on est déjà circoncis. Le raccourci est tentant, le diable te parle avec tes refrains chantants. Mais j'en connais la sentence, averti depuis l'enfance. L'amour n'est qu'un bourreau qui te mènera tout droit à la potence. Adolescence passée à briser les chances. Alors les plaies, nous on les pense. Avec du whisky ou du shit pour voyager ou s'évader sans même passer par une agence. Non. On passe de fille en fille pour combler l'absence de nos cœurs parce que nos vies sont vides. Et finalement on passe nos vies sans les vivre. Le cœur gelé, prisonnier par le mal comme un ensorcelé. Paraît que le ciel doit s'éclaircir une fois que l'orage est tombé. J'arrive plus à faire semblant quand le moral est plombé, tu comprends? Les jeunes du ghetto ont le cœur gelé. Paralysé. Anesthésie, nos sentiments taillés dans la roche de nos blocs de ciment. Sans repère comme la plupart de mes frères perturbés en nerfs. Défiant les prédictions d'échecs des visionnaires. Je suis sans couleur comme la légion étrangère. L'État s'amuse à nous faire mal, j'entends son rire de tortionnaire. Hey, j'ai rien d'un révolutionnaire, je suis comme l'album des dissidents, qu'un HLM résident. Parmi les miens, certains ont des pères polygames, et alors, c'est comme les fils du président. J'ai très peu d'amour pour leur symbole. T'es pris en chasse par ton passé qui te rattrapera, même si tu cours comme Hussein Paul. Quand tout est fait pour que tu passes à la trappe, la poisse te suit à la trace, ne veux pas lâcher la grappe. Je ferai pas l'aumône, mais je pourrais passer aux assises pour une histoire de grosse homme, pour ma famille ou pour faire honneur à mes racines. C'est sûr. Car je suis de ceux que l'État assassine, le cœur de cible privilégié dans la ligne de mire de l'insigne, je te le confirme. Le cœur gelé, que l'on réchauffe avec des billets violets. On s'est trompé sur toute la ligne et l'on se comporte comme des enfants indignes. Que Dieu nous pardonne. Les jeunes du ghetto ont le cœur gelé. Paralysé. Anesthésie, nos sentiments taillés dans la roche de nos blocs de ciment. C'est vrai qu'on marche avec le cœur gelé. Ghettoisé. Anesthésie, les sentiments taillés dans la roche de nos blocs de ciment. Ça va les tapettes? Va les cow-boys? T'es mal con. T'es mal con, ça va mal finir. Je t'emmerde. Toi et tes collègues, je vous encule. C'est clair ça dans ta tête? Dépose ton arme. Garde ton calme. Garde ton calme. Les mains sur la tête. Tu mets les mains sur la tête? Mets les mains sur la tête. On te veut pas de mal. On veut tu pas veux de mal. Pas de mal, toi? Et là, t'es beau, toi, John Wayne, là. Détendu. Détendu. Pouvre. Tu des tarasses maudites, ma bande de bâtards. Je vous encule, c'est clair ça dans ta tête. Je vous encule. Tu calmes.